Vous écoutez Futur Simple sur CKRL au 89,1 et j'accueille la toute première chroniqueuse de l'année. Bonjour Mélanie. Bonjour Valérie. C'est toi qui as l'honneur d'ouvrir le bal, puisque la semaine dernière nous étions deux et qu'on avait une entrevue déjà enregistrée. Donc c'est toi qui as l'honneur d'ouvrir le bal cette année en 2012. Ah non, mais c'est tout un honneur, merci. Et pour bien commencer l'année 2012, tu vas commencer par revenir sur l'année 2011. Oui, oui. Pour nous faire un rappel des découvertes scientifiques de 2011. Oui. Exactement. Année après année, on est toujours impatient de découvrir le fruit du travail des chercheurs québécois, parce qu'en plus, c'est des découvertes qui se sont faites ici. Et l'année 2011 n'a rien à envier aux années précédentes, comme tu vas voir. Certaines recherches relèvent de la science fondamentale, tandis que d'autres ont déjà des applications tout à fait concrètes. Certaines trouvailles ont été faites au cœur même de la forêt québécoise ou au beau milieu du fleuve Saint-Laurent, et d'autres ont été faites aussi dans le silence d'un laboratoire. Et à chaque année, le magazine Québec Science sélectionne les 10 découvertes de l'année. Et elle en reçoit plus de presque une centaine. Ah oui. Et elle doit faire un choix très difficile, j'imagine. Donc, c'est ce que j'ai décidé de vous présenter ce soir. C'est les 10 que Québec Science a retenus comme les découvertes de l'année 2011. D'accord. Et donc, pour la première découverte qu'on a appelée la lumière sur les neurones, ça, c'est quelque chose de très intéressant, surtout ceux qui s'intéressent à la médecine et à tout ce qui a trait là, au cerveau. C'est en fait une quête ultime des biologistes, ce serait d'observer en direct les signaux que s'échangent les 100 milliards de neurones de notre cerveau. Et ce rêve, les physiciens du Centre d'optique, photonique et laser de l'Université Laval s'en approchent un peu plus chaque jour, et le tout au service d'une nouvelle science qu'on appelle l'optogénétique. Optogénétique. Oui. Et l'outil qu'ils viennent de développer offre une incursion vraiment inédite au cœur des méandres cérébraux. Ils ont inventé en fait une nouvelle sorte d'électrode qu'on appelle optrode, parce qu'elle est à la fois optique et électrique. Mm-hmm. Et ça permet en effet d'étudier les neurones un par un, et même de les contrôler en utilisant de la lumière. Ça, c'est, on peut dire que c'est une révolution en neurobiologie. Donc, en plus, c'est une conjonction du savoir-faire en optoélectronique et en neurosciences. C'est exactement une fusion de deux sciences, exactement, a priori assez éloignées, puis qui se rejoignent. Oui, c'est ça qui est assez surprenant. Pour mieux comprendre cette brillante découverte, il faut savoir que les neurones communiquent entre eux en générant des signaux électriques. Et depuis des décennies, les spécialistes étudient ce phénomène grâce à des fines pipettes en verre qu'on remplit d'une solution saline qui est conductrice. Mm-hmm. En collant le minuscule embout de la pipette contre une neurone, on peut enregistrer les courants qui sont générés au niveau de sa membrane. Par mm-hmm. contre, cette technique ne donne pas d'informations sur les mécanismes internes qui régissent le fonctionnement de la cellule. Il fallait donc un outil qui parvienne à capter ces signaux complexes en plus de l'activité électrique. Et ça procède comment? On utilise la lumière pour activer ou inhiber des mécanismes moléculaires à l'intérieur des neurones grâce à des protéines fluorescentes qu'on insère artificiellement dans les cellules qui servent en fait d'interrupteurs. L'optogénétique est encore là, à un niveau très expérimental, là, c'est tout nouveau. Et les chercheurs entrevoient tout juste l'immense champ d'exploration qui s'ouvre à eux. Et si l'utilisation de la lumière peut paraître un peu loufoque, les objectifs sont toutefois très sérieux, parce que l'outil comme l'optrode permet d'observer un cerveau intact, et peut-être même un jour le cerveau humain, et donc de mettre au point là, des nouveaux traitements qui seraient plus efficaces mm-hmm. là, dans les problèmes cérébraux. Mm-hmm. Donc, si on passe à la deuxième découverte... Mais on reste dans le domaine du cerveau. Oui, parce que là, on fait le lien entre le mal de dos et des problèmes liés au cerveau. La douleur lombaire, ça n'affecte pas seulement le dos, ça peut aussi abîmer le cerveau. Mais on sait maintenant que ces lésions peuvent être réversibles. La douleur lombaire, c'est un vrai handicap. Ceux qui souffrent de ça doivent savoir de quoi je parle. Et ça empoisonne vraiment l'existence, ça embrouille le jugement, ça gruge notre patience. Ouais. Ça peut même causer des dépressions, des troubles anxieux. Et pire encore, les patients sont souvent atteints jusque dans leur cerveau. En fait, on a découvert que c'est la matière grise qui s'amincit, parfois au point même d'entraîner des troubles cognitifs. Et le laboratoire du Allen Edwards Center for Research on Pain à l'Université McGill est entièrement dédié à l'étude de la douleur, et c'est lui qui a fait cette découverte. La chercheuse Laura Stone en est convaincue, soulager la douleur chronique améliore non seulement la qualité de vie, mais aussi le fonctionnement du cerveau. Il semblerait que la douleur, ça agit comme une charge cognitive additionnelle. Et cette dernière serait à l'origine des modifications cérébrales que les gens subissent. Les chercheurs du centre espéraient pouvoir ralentir cette progression-là en traitant la douleur, mais se sont aperçus que le traitement mène même à une récupération complète. Donc, c'est une excellente nouvelle pour les gens qui sont victimes de douleurs chroniques au dos. Oui, je comprends ça. On va rester dans, un petit peu dans le domaine de la médecine, j'ai l'impression. Oui. Mais là, tu nous parles de quelque chose, tu nous dis on est tous des mutants. Oui, intriguant. Là, on s'en va en génétique et en génome humain. La troisième découverte est très intéressante. En fait, on sait que chaque personne possède quelques gènes qui diffèrent un peu de ceux portés par son père ou sa mère. Ces gènes ont muté et ont contribué à faire évoluer l'espèce, donc c'est une évolution normale. Le rythme de mutation de l'ADN humain est toutefois un peu plus lent qu'on pensait. Et dans nos gènes se trouvent environ une quarantaine de mutations que nos parents n'avaient pas. Et il en apparaît autant à chaque génération. Ouais. C'est ce qu'ont découvert des chercheurs américains, britanniques, mais aussi de l'Université de Montréal, en comparant pour la première fois le génome complet de deux parents à celui de leurs enfants. Mm-hmm. Et les mutations constituent un phénomène normal, comme je le disais. Les chercheurs croyaient par contre que les taux de mutation chez l'humain étaient d'environ une centaine par génération et non d'une quarantaine. Bon, donc, il est beaucoup moindre. Mais c'est une trouvaille qui a même mérité quelques pages dans la fameuse revue Nature Genetics en juin 2011. Mm-hmm. Et est-ce que cette découverte pourrait avoir des applications concrètes? Oui, cette découverte pourrait déboucher sur des applications concrètes en santé. Plusieurs maladies, notamment les cancers, résultent des mutations dans le génome, d'où l'intérêt de comprendre comment ces anomalies apparaissent et se transmettent là, justement au fil des générations, parce que posséder un gène mutant, bien, ça a rarement pour effet de nous donner des super-pouvoirs dans le monde. Non, non, c'est ça. Ça a plutôt tendance à nous donner le cancer. Oui, ou d'autres maladies, c'est ça. Oui. On va peut-être rester dans le domaine de la santé, mais en se tournant du côté des bactéries? Oui, la quatrième découverte, c'est ils l'ont appelée l'arme secrète des bactéries. En fait, des chercheurs ont percé une partie du mystère qui entoure la résistance des bactéries contre les virus. Et cette découverte pourrait aider à contrer la résistance aux antibiotiques et même à fabriquer de meilleurs fromages. Parce que les bactéries et les virus se livrent une guerre sans merci. Et pour se défendre, certaines bactéries ont mis au point un système vraiment ingénieux. Quand elles sont infectées, elles vont dérober un morceau d'ADN à leur attaquant et vont l'intégrer à leur propre génome. C'est vraiment impressionnant. Et c'est comme si, en fait, elles avaient trouvé le moyen de se vacciner eux-mêmes contre le virus. Ouais. Et c'est ce qu'a découvert l'équipe de Sylvain Moineau, professeur au département de biochimie, microbiologie et bioinformatique de l'Université Laval, en étudiant le Streptococcus thermophilus. C'est une bactérie qui est utilisée dans l'industrie laitière pour fabriquer notamment du yogourt et certains fromages. Et cette découverte aurait non seulement des applications en médecine, mais elle aiderait aussi à créer de meilleurs fromages parce que ça va aider à... parce que certaines bactéries peuvent altérer le goût du fromage. Donc là, ça va aider à avoir des fromages qui goûtent meilleurs. Mm-hmm. Donc là aussi, c'est marrant, ça fait des drôles de ponts entre l'industrie agroalimentaire et puis la santé. Oui. Je pense que maintenant, on va changer complètement de domaine. Oui. Collaboration souterraine, c'est quoi? Oui, en fait, là, on s'en va dans la forêt. Et des étudiants et chercheurs de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue ont découvert que des feuillus et des conifères peuvent souder leurs racines ensemble pour partager les ressources du sol. Sauf que si un des arbres disparaît, l'autre va mourir aussi. Mmh. Et ça, c'est une découverte qui pourrait changer les pratiques forestières. Et c'est vraiment très intéressant dans ce domaine-là. L'étude s'est concentrée sur les peuplements de pins gris, mais il semblerait que le phénomène soit répandu chez plusieurs espèces, autant des feuillus que des conifères. Et déjà, les compagnies forestières se sont montrées intéressées là, par la découverte qui a été publiée en juin dernier. Donc, ça reste à suivre à ce niveau-là. C'est une nouvelle importante là, pour ce qui est de l'industrie forestière. Là. Oui, puis c'est quand même assez surprenant parce qu'on sait que sur la partie aérienne des arbres, en général, ils n'ont pas tellement l'habitude, des arbres d'espèces différentes n'ont pas l'habitude de mélanger leurs branches. Oui, c'est ça. De se contacter et de s'unir. Donc, c'est drôle qu'ils le fassent, qu'ils partagent certaines ressources souterraines. C'est assez drôle. Visser dans le mille pour la prochaine nouvelle. Là, on retourne pour la sixième découverte en médecine. En fait, normalement, quand quelqu'un se brise un os, on utilise soit des plaques ou des vis pour réparer des fractures. Mais ces techniques-là pourraient être bientôt très dépassées. En fait, il y a une nouvelle vis qui est une espèce de vis réparatrice en mousse de titane qui pourrait remplacer les vis en acier inoxydable qu'on utilise aujourd'hui. Il pourrait même accélérer la guérison de fractures. Et comment est-ce que cette nouvelle vis fonctionne? Mais parce que la vis est perforée de trous de 50 à 400 microns de diamètre, ça c'est vraiment très petit, les cellules qui sont responsables de la synthèse des os, ben là, ils peuvent rentrer dans cette vis-là. Et peu à peu, ils se mettent à coloniser l'implant et ils vont rebâtir le tissu osseux. Mm-hmm. Puis là, j'imagine qu'évidemment, la vis va finir par disparaître. Mais en tout cas, les tests qu'ils ont fait, ils ont remarqué que ça récupère plus vite de cette mm-hmm. manière-là. Mm, c'est intéressant, ça. Ouais. Et alors, on pourrait aussi manger du poisson pour développer notre intelligence. Bien, c'est pas tout à fait ça. En fait, c'est qu'il faut faire attention à ce qu'on mange. Ah. Parce que dans le poisson et les fruits et légumes, il y a beaucoup de pesticides et de matières chimiques. Et il y a une chercheuse qui a découvert que ça peut affecter l'intelligence, donc le QI, des enfants à la naissance. Donc, l'exposition aux pesticides durant la grossesse, ça nuit au développement intellectuel des enfants. Et cette découverte-là a même fait la manchette dans les journaux en 2011. Mm-hmm. Je me souviens même d'avoir entendu parler de ça à la télé. La chercheuse a donc fait la suggestion aux femmes enceintes de manger bio le plus possible. Mm-hmm. Parce que même lavé, ben, il y a certains fruits et légumes qui vont conserver quand même des pesticides. Là. Je me souviens de la liste, notamment en premier, là, c'est la pomme puis le céleri. C'est vraiment à éviter parce que même si on les lave, ça pénètre à l'intérieur. C'est ça. Ouais. Juste un lavage, là, même en profondeur, là, comme il faut, ça ne marche pas. Ouais. Donc, elle conseille de manger bio le plus possible quand on est enceinte parce que le résultat, c'est que l'enfant qui venait au monde, ben, il y avait un quotient intellectuel. Ouais. Moindre que normalement. Ouais. Et donc, pareil pour le poisson, donc c'est parce que les poissons aussi accumulent certaines toxines, éléments. Fait qu'il y a conseil de ne pas trop manger de poisson non plus à ce moment-là quand on est en période de grossesse. Mm-hmm. La prochaine nouvelle, l'estuaire tourne au vinaigre. Oui, on quitte un peu la médecine. Cette fois, on s'en va dans le golfe du Saint-Laurent. En fait, les chercheurs du Québec ont découvert que les eaux du fond de l'estuaire du Saint-Laurent s'acidifient beaucoup plus vite que les océans. Ainsi, l'équipe de recherche est montée à bord du navire le Coriolis 2 pour recueillir des échantillons dans le fond du fleuve Saint-Laurent, entre le fjord du Saguenay et cette île. Et les membres ont comparé leurs résultats à ceux qui avaient été recueillis dans les années 30 par des membres du clergé. Et sur l'échelle du pH, ben, les eaux au fond de l'estuaire y auraient perdu de 0,2 à 0,3 points au cours des 75 dernières années, alors que celui des océans a à peine diminué de 0,1 dans la même période. Donc, l'étude publiée en juillet dernier a permis d'expliquer pourquoi certains mollusques n'arrivaient même plus à former leurs coquilles de carbonate de calcium, parce que ça se dissout dans une eau qui est trop acide. C'est vrai. Donc là, c'est la faune qui est en train de vraiment de souffrir de ça. Ben, on le sait déjà un peu que c'est acide, là, avec les belugas et tout ça. Là. On va enchaîner sur la prochaine parce que là, c'est quand même ça passe vite. Donc, en revenant dans le domaine de la santé, dépister l'Alzheimer. Oui, bien, grâce à un chercheur de l'Université McGill, on dispose peut-être bientôt d'un test simple et peu coûteux pour diagnostiquer plus rapidement la maladie d'Alzheimer. C'est peut-être pour bientôt grâce au test sanguin. En effet, on peut détecter la maladie dans le sang des gens atteints. Et ce test simple et peu onéreux permettrait de confirmer le diagnostic là, dès l'apparition des premiers symptômes. Donc, il y a de l'avenir intéressant pour le dépistage de l'Alzheimer. Ouais, et toujours dans le domaine de la santé, des médicaments téléguidés. Oui, des chercheurs ont réussi à diriger des minuscules billes médicamenteuses jusqu'au centre d'une tumeur en passant par le système sanguin. Ouais. Ça, c'est une invention qui devrait un jour faciliter le traitement de plusieurs cancers qui sont difficiles Parce que c'est ciblé, là. Oui, c'est ça. On pourrait utiliser cette technique pour traiter des endroits difficiles comme le cancer du cerveau, qui est un cancer très difficile à traiter. Et c'est des chercheurs de Montréal qui ont fait cette découverte-là. Donc, toutes ces découvertes sont vraiment impressionnantes les unes les autres, mais ce qui est encore plus impressionnant, c'est qu'elles ont toutes été réalisées ici. Oui, exactement. Il faut vraiment le mentionner, il se fait de la bonne recherche au Québec. Oui, c'est vrai. Peut-être qu'on ne la met pas assez en avant. Oui. Alors, merci beaucoup, Mélanie, de nous avoir fait ce tour d'horizon de l'actualité scientifique réalisée ici même au Québec. Merci. C'était un plaisir.